Crosby. Derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson. And scores the killer. Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont gagnés. Tire le retour. Et le but. C'est long et c'est carré. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Incontenu de partie, l'émission qui vous parle de sport, de la Mauricie et de peu partout à travers la planète. Bon matin Philippe. Bon matin Nicolas. Bon matin, non pas de Marc-Antoine ben ce non, matin. Pas de Marc-Antoine ce une matin. Une chaise vide. Marc-Antoine représente présentement l'UQTR au jeu de la communication, donc du côté de Sherbrooke. Et c'est pourquoi il ne sera pas ici aujourd'hui, mais tout de même, on va avoir... quand même droit notre segment actualité là, au retour à 9h30 et 10h30 comme d'habitude. Il suit nos traces. Ben oui, il suit nos traces. Tous les deux, nous avons participé à cette compétition. Oui, oui. Et moi, c'était du côté de Moncton. Toi, t'en as fait une ou deux années? Ben, une année, en fait. Moi, j'ai subi les foudres de la non-année. C'est-à-dire l'année oui, où ben on n'y oui. est pas allé. Toi et donc, moi. Donc, effectivement. On avait été sélectionnés. Oui, tout à fait. On aurait pu, mais on n'a pas. On n'a pas. Donc, une fois ici à Trois-Rivières, par la suite, l'année où tout est tombé à l'eau. Puis, les deux dernières années, j'ai participé à l'aide de ceux qui allaient oui, y aller. C'est spécial. Qui se dirigeait vers l'endroit. Ah, merci. Ouais. Non, mais c'est spécial que d'un côté, toi, tu as vécu les jeux de la communication à Trois-Rivières, à la maison carrément, alors que moi, c'était au bout du monde à Moncton, où ça parlait plus anglais que français. Exactement. Et Marc-Antoine est chez vous. Oui, mais chez nous. Ben, dans ta région. Ben, Sherbrooke, c'est pas trop. Ouais, ta région est tendue. Je veux dire, Trois-Rivières, t'as 1h20, Sherbrooke, t'as 1h. Je veux dire, ma région est pas mal plus qu'elle est tendue, là, présentement. Elle est aplatie au complet. Et avec le batteur. T'as ton ancienne université, donc. Oui, ça en est fait. J'ai fait 1 an à l'université de Sherbrooke. Donc, ça, c'est sur notre vie personnelle, cette tranche de vie personnelle. On va parler d'émission d'aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui comme au menu. On parlait des Patriotes de l'UQTR, du côté du hockey, c'est ce soir le match ultime. Pas le match ultime, plutôt le deuxième match de la série contre les Redmen de McGill. On va parler du Canadien de Montréal, on va revenir sur la période d'échange dans la Ligue nationale de hockey avec Jonathan Bernier de Rue Frontenac qui va se joindre à nous. On va parler foot, c'est ta chronique football. Donc, comme tous les vendredis maintenant, là, ta chronique sur la Ligue des champions. Quelques nouvelles sur l'Impact, j'imagine? Oui, quelques nouvelles sur l'Impact. Une excellente nouvelle pour le soccer canadien. Oh! On s'en parle tantôt. Je te vois venir à 100 000 pour ça. Oh, ouais, je le sais. Et on va parler hockey à Morsi et on va parler de football encore. Mais là, l'autre sorte de football, malheureusement, JP Grenier ne peut pas se joindre à nous ce matin. Mais on va quand même parler, c'est les négociations qui ont été allongées là, au niveau de... On se dirige vers un lock-out là, dans la NFL. Et on va en discuter là dans cette émission, probablement la dernière demi-heure d'émission. Mais tout d'abord, on s'en va en musique. Petit groupe qui est frais. C'est fraîchement arrivé, là, le CD est encore chaud et il sort du four. C'est les Breastfeeders, leur tout dernier CD. On va aller écouter 400 000. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Voici. C'est quoi ça? Ne voici pas les nouvelles okay. Radio-Canada. Ben oui, moi j'ai dit sur les ondes de C'est fou, puis elle a dit. Elle a dit... Sur les ondes de C'est fou. Dans le fond, elle voulait juste comment renchérir. Exactement. Elle soulignait ton apport à l'émission. Breastfeeders 400 000, vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur C'est fou. terrain puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe et je vous suspends tout. Ouais, écoutez l'hymne national! L'un conduit de partie. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va maintenant parler des Patriotes de l'UQTR. Allons-y tout d'abord avec le hockey. Les Pats étaient en action. Bon, mais c'était mercredi dernier du côté du McConnell Arena. C'est la finale d'association dans les sports universitaires de l'Ontario au hockey, bien sûr. Et dans le fond, l'équipe qui va l'emporter dans cette série-là se dirige vers le championnat national. En plus d'une participation à la Coupe Queen, qui est un seul match, une sorte de Super Bowl, mais avec pas mal moins de monde. assez pas mal moins de monde. Entre la division Ouest et la division Est des sports universitaires de l'Ontario. Donc, c'est un match. Et c'est la cinquième année consécutive que les Patriots et les Redmen s'affrontent. Les quatre dernières éditions ont été remportées par les Redmen, donc on tente de renverser la vapeur du côté des Patriots. Et c'est un peu mal parti là du côté de l'équipe de Trois-Rivières. C'est une victoire de 5-3 de la part des Redmen de McGill. Quand même serré, le cinquième but, c'est un but dans un filet désert, donc on est pas assez proche là, du côté des Redmen, mais ça n'a pas été assez. Les tirs dans ce match, Philippe, par contre, 42-18, donc on a accordé beaucoup de tirs du côté des Patriots. Mais pour avoir vu le match, j'ai pas pu me déplacer, mais avoir vu sur SSN Canada, c'était un match, la plupart des tirs, dans le fond, étaient pris de loin. Peu de chances de marquer vraiment là du côté de peu de chances de qualité, peu d'entrée au filet là, du côté des Redmen. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a seulement eu 4 buts qui ont été comptés, parce que la puissance offensive et la puissance défensive des Redmen, c'est toute une équipe. L'autre côté, l'UQTR avec 18 tirs, ben ça continue un peu sur le même système depuis le début des séries, c'est-à-dire on profite de nos chances quand il y en a, puis on essaie de se sauver avec la victoire, comme on l'a fait avec les Ravens, puis les Ravens de Carlton. Contre McGill, ça va être beaucoup plus important de capitaliser absolument les opportunités qu'on a, puis se tenir loin du banc de pénalité pour le match de ce soir. Là. Ouais, parce que c'est toute une équipe, là. C'est le match de ce soir, c'est ça, on va en reparler tantôt, mais regarde, tu me parles du banc de pénalité. On n'a pas écopé de beaucoup de pénalités du côté des Patriots. On a bien fait à ce niveau-là. Il y a seulement eu 4 avantages numériques du côté des Redmen de McGill. Le problème, c'est qu'on a converti 3 des 4 chances. Donc, un taux d'efficacité de 75%. C'est pas nécessairement des beaux buts. Jacques Laporte me disait que c'était pas des beaux buts. À vrai dire, dans le fond, le but de Marcotte Légaré, c'est une passe devant le filet. Nicolas Desilets a tenté de couper la passe. Ça a touché sa palette. Ça a rentré directement dans le filet, comme si c'était lui qui avait essayé de la rediriger directement sur le filet. Donc, là-dessus, sur le but de Véropol, ben, c'était un tir. Véropol était dans l'enclave. Ça a touché un peu son corps. C'est rentré. Donc, c'est pas nécessairement des beaux buts, mais c'est que quand on est à l'avantage d'un homme, c'est le type d'opportunité qui se présente. C'est comme ça qu'on en profite, même si c'est pas un système de jeu qu'on a pratiqué. Ça reste un but à l'avantage numérique. Donc, le sommaire dans ce match, tout d'abord, pas de but en première période. On se dirige en deuxième période. Francis Véropol, je vous en parlais, son quatrième des séries éliminatoires. Simon Lamarcotte Légaré, lui aussi son quatrième des séries éliminatoires. Un but à l'avantage numérique pour les deux. Francis Charlat, son premier des séries éliminatoires. Pas parce que Francis veut pas, mais il a pas joué la plupart des matchs des séries éliminatoires. Donc, c'est son premier, les aides de Petit à Lessard, à 18-56. Donc, on est encore dans le match du côté des Patriots. Un bel avantage numérique. Par contre, tôt en troisième, c'est Wright. J'ai un blanc sur son nom. Numéro 19. Andrew Wright, exactement. Andrew Wright, grand. Tu te souviens-tu d'Andrew Wright quand on avait été décrit? Très grand. Une bonne pièce d'homme, comme on dit. Là, type de joueur qu'on n'a pas beaucoup là, du côté du QTR. Non, Andrew malheureusement. Wright. Son cinquième des séries éliminatoires, Dorion Picard-Hopper, c'est un but en avantage numérique. Donc, les trois premiers buts des Redmen en avantage numérique, ça fait mal. Là, Maxime Langelier-Parent qui fait son, lui aussi son quatrième des séries à 4 minutes 6. Donc, c'est 4-1. On se dit, bon, du côté des Patriots, on va courber les chines, il en reste pas pour longtemps. Mais Pierre-Alexandre Jonca, à 13 minutes 37, fait son cinquième des séries. C'est 4-2. Étienne Bellavance-Martin, une minute et demie plus tard, son cinquième des séries. Les aides à Chicoine et Laroche, 2 passes pour Chicoine dans ce match. Donc, met le pointage à 4-3. On a retiré Jean-Christophe Blanchard, mais malheureusement, c'est Alexandre Picard-Hopper qui déjoue personne. Il n'y avait pas de gardien de but. Donc, qui déjoue avec le filet désert pour réussir son troisième des séries éliminatoires. Les étoiles dans ce match, Andrew Wright, Guillaume Doucet et Maxime Langelier-Parent, les trois étoiles sont allées sans trop de surprise. Du côté de McGill, il fallait s'y attendre. La victoire avant l'affiche d'Hubert Morin. Du côté des Patriots, de Jean-Christophe Blanchard a très peu à se reprocher, sinon pas du tout à se reprocher. Écoute, si on enlève le but chanceux à Nicolas Desilets, on parle d'un match qui s'en va en prolongation, là. Mm-hmm. Donc, c'est pas le même type de match. Donc, on est Du côté des Patriotes, on est capable de l'emporter. On sait qu'on est capable, mais il va falloir une exécution parfaite. Puis il va pas falloir laisser de chance aux Redmen parce que, gars, ils en profitent de leur chance. On l'a vu, on l'a très bien vu là, du côté. 3 en 4 sur l'avantage numérique, ça veut tout dire. Ça paraît. Ça paraît veut tout dire. Parce que du côté des Patriotes, combien de buts en avantage numérique? Un, si je me trompe. Un seul, me trompe donc pas. À 5 contre 5, oui. On les bat. Oui, ben, à 5 contre 5, on les bat, c'est ce que ça veut dire, mais c'est ça. Et puis, tu sais, Hubert Morin, là, du côté de McGill, même s'il était nommé gardien de but par excellence de la division S des sports universitaires de l'Ontario, c'est pas un grand gardien non plus. Non, il est là. Un peu à la Ken Dryden, là, il profite de l'équipe qui est en avant. Ben, c'est ça, là. C'est ça, et vraiment, là, du côté de Morin, ben, on l'a vu, ça prend pas une tonne de tirs, là, pour aller le battre. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le bon tir, et c'est ce qui s'est passé du côté des Patriotes, qui fait qu'on a réussi à marquer 3 buts derrière le gardien de McGill. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte suite à ce match, donc, on va écouter, ouais, c'est ça, c'est les impressions de Jacques que j'ai recueillies hier au téléphone, ici même, ben, dans le fond, dans les studios de C'est Fou, on s'est entretenu avec Jacques. Oui, c'est sûr, contre eux autres, faut pas payer de défaillance 30 secondes, sinon ça coûte cher. On l'a vu en 2 chiffres, là, ça fait compter 2 buts, là, puis c'est toujours comme ça contre eux, puis ça va l'être encore. Si dès qu'il y a un petit tir, là, franchement, c'est fini. Tu trouves un moyen de décocher peut-être plus de tirs? Morin n'a pas été super gros, mis à l'épreuve, ben, hier. C'est pas énorme, mais tu sais, on a pas moins d'en avoir 40 pour compter 5 buts contre lui, là, parce que j'ai les avoir plus de qualité, il faut se rendre là. Il faut surtout en accorder un petit peu moins, nous autres, là. Ouais, c'est ça, 42. Mais JC a bien joué, mais j'ai regardé la game hier, t'es gon quand même bien joué aussi. Oui, 42, tu sais, mais il était de loin. Ouais, on a pas mal fait, c'est sûr, là. On était assez efficace, mais écoute, les autres sont opportunistes, les équipes gagnantes, c'est un peu ça aussi, là. Alors, c'était Jacques Laporte qui nous expliquait. J'ai rentré mon micro un petit peu plus trop rapidement. Ben oui, tu m'expliquais ESPN. Hein, tu oui, disais? ESPN. D'accord, on va aller parce voir que ça. Philippe va faire ses recherches sur oui. Le conflit. Oui. Mais je te les ai envoyés sur les internets. Ah oui, OK, c'est ça. J'ai supprimé sans le regarder. Les livres faciales. Va voir ton compte sur les livres faciaux. Tu devrais voir ça. De ce pas. Donc, ce soir, le match entre les Patriots et les Redmen, c'est de 19h30 au Colisée de Trois-Rivières. On va avoir besoin, comme je disais, d'une grosse performance, mais à date, on n'a pas subi la défaite à domicile là, du côté des Patriots dans ces séries éliminatoires. Donc, on peut non, espérer. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas gagné à l'étranger non plus. Non, t'as très bien raison là-dessus. C'est du donnant-donnant. Hein? Oui. Si on veut deux séries qui se rendent en match ultime, on doit perdre en quelque part. Et on n'a toujours pas de victoire à l'étranger du côté des Patriots. Philippe, qu'est-ce que tu penses du match à soir? Est-ce que les Patriots peuvent envoyer ça pour un troisième match ou tu penses que ça se termine là? Ben, les Pats sont pas vraiment le choix de tout donner pour y aller pour un troisième match. J'espère profondément que la foule va être là pour justement donner le petit boost d'énergie de plus là, qui va peut-être permettre aux Pats de l'emporter. Si on l'emporte, ça va être par une marge très serrée. À l'image du match en fait qu'on a eu à McGill. Mais je pense que les Pats sont capables d'y aller pour un autre match. Puis à 1-1, ben, tout est possible après. Oui, parce que je suis pas mal sûr que du côté de certains joueurs, on compte peut-être essayer d'arrêter la game. Pour pas que ça... Écoute, Nicolas Bézilet qui en est à sa 5e saison, ouais. Veut dire, ça ferait 5 saisons d'affilée qu'il se fait sortir en série. Et l'importance du premier but là, ce soir, c'est capital. Capital, parce qu'après ça, si on tombe avec une avance de 1-2 buts, on peut s'asseoir dessus, continuer à jouer notre système de jeu qu'on voit depuis les derniers matchs de la saison, les matchs en séries éliminatoires. Donc, quel sera le plan de match ce soir contre les Redmen? On va écouter Jacques Laporte nous en parler. Ouais, c'est sûr que chez nous, écoutez, on leur a mis un petit doute dans les têtes, tout ça, c'est clair. Là. Et puis, il va falloir continuer à être efficace dans notre zone, comme je te dis, pour accorder le moins de buts possible, capitaliser ces chances qu'on va avoir nous autres ici, se tenir, regarde, encore une fois, se tenir loin de la punition. On a eu juste 4 hier, c'est pas beaucoup. Sauf que la punition à Donovan était inutile, et c'est elle qui nous coûte la game. Le quatrième but, tu sais, il y a une punition alors qu'il faisait 1 minute et demie, il était sur la glace, ça va dans la zone adverse, ça fait le gars, tu sais, on n'a pas besoin de ça, là. Donc, Jacques Laporte qui est assez, comment on pourrait dire, incisif? Sans nécessairement être incisif, il est clair dans ses propos. Ouais. Ça a le mérite de rencontrer les intentions. C'est ça, exactement. Donc, je pense que le message est lancé du côté d'Olivier Donovan. C'est dommage, par contre. Et du côté des Donovan, autres joueurs. C'est dommage du côté de Donovan, qui n'est pas le genre de joueur à prendre des pénalités un peu stupides comme ça. Il prend son lot de pénalités là, à chaque match, mais quand même, généralement, un joueur assez... discipliné. Oui, quand même. Je veux dire, cette saison, 18 minutes de pénalité pour Donovan cette année. Puis je me demande même s'il n'y a pas eu un 10 là-dedans. Oui, un 10 minutes d'inconduite, donc ce qui serait une possibilité. Donc ce soir, 19h30 du côté du Colisée Trois-Rivières, le deuxième match de cette série entre les Redmen de McGill et les Patriots de l'UQTR. On va maintenant parler soccer. Les Patriots de soccer s'en vont aussi en séries éliminatoires et ça va débuter du côté des filles. Ils vont affronter l'Université Laval, le Rouge et Or. Du côté, écoute, Laval ont fini en avant au classement de l'UQTR, c'est-à-dire que Laval ont terminé au quatrième rang alors que l'UQTR ont terminé au cinquième rang. Mais le match va être disputé tout de même au Centre Alphonse Desjardins parce que honnêtement, des terrains, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Il faut croire que celui à Québec n'est pas disponible ou une raison de la sorte. Ça va être disputé dimanche, le 13 mars à midi. Alors, et on accueille plusieurs matchs là, du côté du Centre Alphonse Desjardins dans cette fin de semaine-là. Concordia contre Sherbrooke va être aussi disputé là, du côté du Centre Alphonse Desjardins à 14h. Des beaux revenus pour le Centre Alphonse Desjardins. Oui, je ne sais pas comment ça peut valoir louer une heure de terrain. Je ne sais pas combien ça peut valoir, mais c'est assurément pas gratuit. Non, je suis pas mal sûr que non, mais on doit avoir des prix aussi, parce que ça doit être l'UQTR qui organise des matchs, donc on va avoir des prix un petit peu plus beaux, même titre que les heures de pratique, puis c'est un peu comme le hockey mineur, là, dans le fond, qui ont des heures moins chères. Du côté des hommes, eux aussi, ça va être disputé au Centre Alphonse Desjardins, mais les hommes vont avoir l'avantage du terrain officiellement, parce que eux, ils ont terminé au troisième rang à un point de Laval et McGill en première et deuxième position, respectivement. Ils vont donc affronter l'Université Sherbrooke, Laval, qui, eux, obtiennent une passe droite. Donc, ils ne disputent pas de match dans cette première ronde. Donc, Sherbrooke, qui, eux, ont terminé au sixième rang avec 4 points de retard sur les Patriots. Ça va être disputé dimanche, le 13. Donc, dans la même journée, les deux matchs des Patriots. Ça va être à 16h. Donc, le Centre Alphonse Desjardins qui va être assez rempli. Merci, là, cette journée-là. Trois matchs de soccer universitaire. Donc, ça va être bon à suivre là, pour les gens. Déplacez-vous, ça va à peine. C'est un super gros spot là, pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Alphonse Desjardins. J'ai été très impressionné par les installations. Alors, on parle du Patriot de la semaine. Sans trop de surprise, Philippe, c'est Caroline Lapierre-Lemire, bien sûr, la recrue de la formation de natation et recrue de l'année du circuit universitaire de natation du Québec. Donc, recrue de l'année au Québec au complet. Elle a remporté sa première médaille au championnat universitaire canadien à Calgary. C'était la semaine dernière, la fin de semaine dernière. C'est que le Patriot de la semaine est sorti un petit peu plus tard, bien sûr. Donc, c'est un retour en arrière. En finale du 50 mètres papillon, Caroline a remporté le bronze avec un temps de 27,61 secondes. De plus, elle a terminé au sixième rang au 50 mètres libre. Donc, des bons résultats, là. T'es au Canada au complet. J'imagine que tu te frottes avec des athlètes qui sont assez notables. Merci. Donc, de terminer troisième au 50 mètres papillon, c'est un très bon résultat de ton côté. Caroline débute un baccalauréat en kinésiologie. Et finalement, du côté du volleyball, l'équipe féminine de volleyball Division 2 des Patriotes est en action. C'est du côté de l'Université du Québec à Rimouski, ville du métal. Rimouski, bien sûr. Ou c'est Rouyn-Noranda? Rimouski, ville du métal. Rimouski, ville du rock. Je te cherche ça. S'il te plaît, mais ça va être genre... C'est probablement la recherche la plus farfelue que je vais avoir fait jusqu'à présent. Oh, arrête, tu sais qu'on en a fait des recherches farfelues tout plein. Ville du métal, Rimouski. Y a-tu juste moi qui... Ben, il me semble que j'avais déjà entendu ça. Ouais, je sais pas si tu l'as entendu que c'est réellement ça. Google, là. C'est peut-être un Ben qui a crié ça dans un spectacle, puis ça a donné ça. La chute, la ville du métal, la ville de Roustavi. Non, Roustavi, c'est en Géorgie, le pays. Non, mais t'as-tu écrit juste ville du métal? Mm-hmm. Non, t'es peut-être mieux d'écrire Rimouski, ville du métal. Ah. Tu sais, parce que ville du métal, ça peut être Hamilton aussi. Mais tu sais, ou Pittsburgh. Oh! Hey, tabarouette, tu me donnes bien. Découvrir Rimouski, ville de Rimouski. Non, c'est pas ça. Tu nous reviendras là-dessus. Du côté de Rimouski, les Patriots vont disputer trois matchs. Tout d'abord, vendredi à 19h, ils vont affronter les Inuks de Lukac, Chicoutimi. Du métal, la musique. Ben oui! Ben oui, c'est ça. OK, bon, j'étais pas fou. Oui, non. Pas le métal, le matériau. La musique. Et la musique. Oui, non, sinon, au Québec, c'est pas tout à fait Rimouski. Non, c'est ça. Le lendemain, à 10h du matin, ils vont affronter justement l'Université de la ville du métal. bétail comme ça. Et donc, le Nordais. Et finalement, à 14h, elles vont affronter les Citadines de l'UQAM. Les Patriotes dominent le classement de la Ligue universitaire de volleyball de 2e division avec une fiche parfaite de 6 victoires en autant de rencontres, tout en ayant remporté 18 manches et n'en ayant concédé qu'une seule à leurs adversaires. C'est le dernier tournoi de la saison et ce sera l'occasion pour les protégés de l'entraîneur Claude Turcotte de poursuivre leur progression et de consolider leur première position classement. De plus, le tournoi, bon, ça va servir un peu d'une préparation pour le premier championnat provincial de volleyball 2e division qui aura lieu le samedi 19 mars, ici même au CAPS de l'UQTR. Donc, c'est dans 2 semaines. Quoi, t'as pas aimé mon... Tu notes être trop plein d'émotions, toi, là? Ben, le CAPS de l'UQTR! Viens t'entraîner, Philippe, au CAPS de l'UQTR! Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriotes. On va aller à une pause au retour. On s'entretient avec Jonathan Bernier de Rue Frontenac. On va parler du Canadien. On va parler de la période de transaction de la Ligue nationale. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Du côté de la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal l'a emporté 4-0 hier soir contre les Panthers de la Floride. Le défenseur Al Gill en a profité pour inscrire un premier but dans les 100 derniers matchs. Les autres buts ont été l'œuvre d'Andrei Kostitin, David Desharnais et Lars Eller. Le blanchissage va à l'affiche de Carey Price. Grâce à ce gain, le Canadien se rapproche à 3 points des Capitals de Washington et du 5e rang dans l'Association Est. Ailleurs, dans la LNH, Taylor Hall a réussi un tour de chapeau à la Gordie Howe, c'est-à-dire un but, une passe et une bagarre, hier soir dans une victoire de 4-2 des Oilers sur les Blue Jackets. Malheureusement pour lui, Hall s'est blessé à la cheville lors de son combat contre Derek Dorsett. Finalement, les Prédateurs de Nashville ont signé un étonnant gain de 3-0 sur les Canucks de Vancouver, premier au classement de la LNH. Dans la Ligue Midget 3 du Québec, les Estacades de Trois-Rivières sont revenus de l'arrière hier soir pour remporter le match ultime de leur série qui les opposait au Collège Charlemagne. Maxime Saint-Cyr a inscrit deux buts dans cette victoire de 3-1 des Estacades qui avance au deuxième tour du tournoi éliminatoire. Alors qu'un lock-out devrait être décrété aujourd'hui, le médiateur entre l'Association des joueurs et de la Ligue nationale de football a annoncé hier soir que les négociations allaient se prolonger de 24 heures pour tenter de dénouer l'impasse. La convention collective était due pour expirer hier soir à minuit pour une première fois depuis 1987 pour la Ligue qui engrange des revenus de 9 milliards par année. Le Canada sera l'hôte de la Coupe du monde féminine de soccer en 2015. C'est la FIFA qui a confirmé la nouvelle hier. Le Canada était finaliste avec le Zimbabwe pour la tenue de ce tournoi, mais le pays africain s'est désisté en début de semaine. Hier soir, du côté de la bataille de la Floride, le Magic d'Orlando a réussi un retour remarquable pour vaincre le puissant Heat de Miami. Jason Richardson a inscrit 24 points, dont 11 pour amorcer une folle poussée de 49 en faveur de son équipe et le Magic a effacé un déficit de 24 points en deuxième demi pour vaincre le Heat 99-96. Selon Bernard Hopkins lui-même, le combat revanche entre Jean-Pascal et lui aura lieu au Québec. Hopkins a déclaré au site fighttype.com « Je sais que j'ai gagné le premier affrontement et c'est pourquoi je retourne me battre au Canada. J'aurais pu dire à Richard Schieffer, président de Golden Boy Promotion, d'organiser l'événement à Las Vegas. Il avait le pouvoir de le faire car ils ont gagné la soumission, mais je lui ai dit de retourner au Canada. Le deuxième duel très attendu entre les deux pugilistes sera présenté le 21 mai à un endroit qui n'a pas encore été annoncé. » Au hockey des sports interuniversitaires canadiens, Morgan McAfee a mis fin au plus long match de hockey universitaire tard mercredi soir en 6e période de prolongation afin de permettre aux Gales de Queen de vaincre les Griffons de Guelph 2-1 dans un duel de ligue féminine interuniversitaire canadienne. Finalement, ne manquez pas ce soir le dernier match de la série qui oppose les Patriotes de l'UQTR au Redmond de McGill. Les Trifluviens tenteront d'éviter l'élimination de 19h30 ce soir au Colisée de Trois-Rivières. C'était vos nouvelles de l'inconduite de partie. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Mumford & Sons avec la chanson Little Lion Man. C'était grave comme chanson, hein, de la façon qu'on... C'est une excellente chanson, je l'aime beaucoup. Dans la façon qu'on chantait dans le studio... Oui, si ça nous fait sautiller sur nos chaises, c'est que c'est une bonne chanson. Normalement, c'est que ça a bien de l'allure. Un autre qui a bien de l'allure, c'est Jonathan Bernier. Il se joint à nous par téléphone live de l'Assomption. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, oui, vous? Oui, toujours. Super bien, merci. J'espère que je ne vous fais pas sautiller sur vos chaises, quand même. Ben, différemment. Ouais. C'est toujours d'excellentes chroniques. Jonathan, Canadien était en action hier soir. Du côté de la Floride, on a signé un gain de 4-0 du côté du Canadien. Ce qui fait qu'on a remporté nos deux derniers matchs contre des puissances de la Ligue nationale connues sous le nom de Thrashers d'Atlanta et Panthers de la Floride. Ouais, tout à fait. Ça doit être un voyage, mis à part les deux victoires, ça doit être un voyage assez plate pour le Canadien. Oui, hier, bon, il y avait beaucoup de monde dans l'amphithéâtre parce qu'il y avait beaucoup de Québécois, là, mais à Atlanta, ouais. Ça faisait assez pitié de voir... les estrades aux trois quarts vides. Ben, je pense que les cataractes de Shawinigan attirent plus. Oui, je pense que oui. Assurément, les remparts attirent plus. Oui, donc, il y a au moins quelques équipes là, de la Ligue de hockey junior majeur qui attirent plus que les Thrashers d'Atlanta. Effectivement, c'est quand même... c'est tout dire, là. Hein? C'est pas tout dire, c'est inquiétant. C'est... Oui, c'est malheureusement tout dire. Et du côté de l'Atlanta, là, on parle de plus en plus d'essayer de... On veut bouger l'équipe, là... On tente même plus de la sauver. Les propriétaires, il y a un problème contractuel au niveau de la façon que les papiers ont été rédigés, ce qui fait qu'ils sont pas capables de bouger l'équipe, de déménager l'équipe. Selon ce que j'avais lu, je sais pas si ça dit ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Ben c'est à cause de c'est le Philips a accepté d'apposer son nom sur l'aréna à condition qu'il y ait l'équipe de hockey et l'équipe de basket. Mmh. Et là, si l'équipe de hockey déménage, mais le contrat d'amphithéâtre tient plus. Oh boy, OK, ouais. Puis Philips paie à peu près 9 millions par année pour avoir leur nom sur le Philips Arena. Donc, ouais, je pourrais pas dire, je sais pas c'est quoi le montant, mais ben vous, moi, je suis pas mal sûr que c'est ça, 9 ouais. millions selon les statistiques. C'est 9 ou 10 millions. C'est pas énorme, hein? C'est le plus cher en Amérique du Nord. Ah ouais? Ouais. Fait moi, je trouve vraiment pas ça cher, payer 9 millions pour ton nom sur un arena. Pour un arena, c'est le plus cher. Parce qu'on oublie pas non plus que le Heat de Miami, dont les Hawks d'Atlanta plutôt, qui évoluent dans le même arena. Mais du côté du football, il y a une raison pourquoi le Cowboy Stadium s'appelle encore le Cowboy Stadium. C'est parce que du côté de Jerry Jones, on veut 25 millions par année à peu près pour mettre un nom là-dessus. Donc, mais au niveau des arenas, c'est plus cher. Ben écoute, sur 25 ans, c'est 250 millions, là. Ah oui, c'est sûr. C'est pas rien. C'est pas pour rien que les Thrashers restent encore en vie, là, avec un revenu d'à peu près 5 millions juste sur le nom de l'amphithéâtre. Ça vient donner une petite tape dans le dos. Exact. Puis ils perdent, c'est ça. En plus, ils perdent plusieurs millions par saison depuis 4 ans. Donc, c'est effectivement, c'est ce qui les maintient sur le respirateur. Disons que le respirateur, il en manque pas gros pour que la plug débarque. Hein. S'agirait d'un peu de vouloir de la part de la Ligue nationale, puis je pense que soit Québec ou Winnipeg a une nouvelle équipe. Là. Ouais, mais éventuellement, les joueurs vont s'intéresser à ce problème-là. Je veux dire, c'est eux autres là, qui payent. Là. C'est eux qui en sont les principaux perdants là-dedans. Là. Oui, c'est sûr, parce qu'ils jouent devant des foules vides, ce qui doit être assurément assez plate. Mais il y a aussi des autres propriétaires qui, à un moment donné, si c'est pas déjà fait, vont se tanner parce que les propriétaires d'équipes canadiennes, entre autres, qui remplissent leur amphithéâtre et ceux du nord-est des États-Unis, doivent des redevances, pas des redevances, mais doivent partager de leurs revenus à chaque année avec les équipes qui sont plus en difficulté pour que tout le monde ait un certain équilibre. Là. Donc, à un moment donné, quand ça fait 4-5 ans que tu aides ton voisin, tu dis hey, « tu veux-tu t'arranger avec tes problèmes? » Parce qu'à un moment donné, là ça fait. Là. Rendu là, c'est même plus une aide, c'est une bouée de sauvetage carrément. Ben, c'est ça. Puis évidemment, ben peut-être justement que les équipes en difficulté voient moins l'urgence de la situation, étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur l'aide des autres formations. Et Jonathan, on va quitter le sujet parce que sinon on n'arrêtera pas là, sur... J'allais poser une autre question, vas-y. En fait, je me demandais, tu parlais justement des autres propriétaires, tu sais, à quel point les autres propriétaires proches d'Atlanta vont dire justement à un moment donné, là, non seulement tu fournis pas, mais en plus, à la limite, tu nous voles des revenus, tu sais, parce que tu peux avoir une compagnie de diffusion télévisuelle qui est dans ce coin-là, qui va couvrir, exemple, le sud-est des États-Unis, puis on va perdre de la diffusion au niveau du Lightning de Tampa Bay, on va perdre de la diffusion au niveau des Panthers de la Floride. Ça va être une belle équipe dans les prochaines années, là, Floride. Là, on va avoir des très, très bons choix cette année encore. Donc, Ben, en fait, tu m'amènes... tu me fais faire un détour, mais tu me ramènes là où je voulais m'en aller avec le magnifique travail de démolition que fait Dale Tarlin au cours des dernières semaines. C'était même pas de démolition, hein, dis-le. Là. Ben, tu sais, je veux dire, il y avait pas. Les fondations étaient pas très solides. Pas solides, mais je veux dire. Il y a une stratégie derrière ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est un manque de vision totale parce que, bon, il a changé des vétérans qui coûtaient cher, premièrement, mais en retour, il a obtenu. Dans toute la liste de transactions qu'il a faites, je pense qu'il a obtenu trois choix, puis c'est des choix de troisième ronde, deux en 2011, puis un en 2013. Tu sais, le reste des joueurs, t'as Ryan Carter, qui a joué, je pense, 30 matchs dans la Ligue nationale. Ouais. T'as des gars de la East Coast. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Mettons, là... On vise le fond du baril, là, du côté de Dave Talon. Ouais, ben tu sais, on avait Mike Milbury, là, qui avait déjà fait quelque chose de semblable avec les Islanders, mais... En tout cas, je commence à le mettre dans la même catégorie. Là. En plus, si on ajoute à ça l'erreur administrative qu'il avait faite à Chicago dans le temps en oubliant d'offrir des offres qualificatives à quelques joueurs, là, c'était pathétique. Un gars qui ne voit pas ses affaires. Là. Mais tiens, comment tu veux manquer ça? C'est à peu près la seule c'est la principale... chose que tu dois penser quand t'es directeur général, t'oublies de payer tes joueurs. Je trouve ça un non-sens. Si moi et Philippe, dans nos ligues de hockey simulées, on est capable de faire des offres qualificatives, me semble que quand t'es payé plusieurs centaines de milliers de dollars pour le faire par année, tu dois d'allumer un peu. Là. Ben, chip-moi le chèque, ma femme. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il a perdu son emploi plus tard. Là, on a dit que c'était pas nécessairement à cause de ça, mais évidemment qu'il y avait un lien direct, là, même si on a essayé de couvrir en justement laissant passer un peu de temps là avant de le congédier, mais ce qui est dommage dans cette ligue-là, c'est qu'étant donné qu'il a gagné la Coupe Stanley, peut-être qu'il va rouler sur cette réputation-là pour un bout de temps. Il y a des vieux bonhommes là, comme Glenn Sater qui a roulé sa bosse dans la ligue pendant 20 ans, mais à cause que, selon les gens du temps, ils avaient bâti la dynastie des Oilers. Mais la dynastie des Oilers, elle s'est bâtie par elle-même, dans le fond. Là. Oui, il y avait des choix au repêchage, mais à un moment donné, tout est tombé à la place. Puis on a bien vu, après ça, quand il est allé à New York, que c'était pas la même game, c'était pas le génie qu'on pensait. Fait que, c'est pas parce que tu gagnes la Coupe Stanley une fois dans le cas de Ballon que nécessairement c'est toi le l'architecte derrière tout ça. ce qui était drôle avec Glenn Sater, c'était vraiment du fait que quand on lui a donné un budget puis un pouvoir d'agir, c'est là que tu t'es écroulé puis qu'il n'y a absolument rien qui a marché. Il est encore à New York, il n'y a encore rien qui marche là, du côté des Rangers. Ben, il n'y a rien qui marche. On frôle les séries, là, c'est une manière de dire qu'il y a quelque chose qui marche. Ouais, mais... ça descend de plus en plus. Là, on s'est rendu 8e ce matin. Ouais. Ils ont perdu leurs trois derniers matchs. Donc, avec Buffalo et Toronto qui me surprend. Là, Toronto surtout. Là, c'est pour... victoire à leurs 10 derniers matchs. Qui reviennent dans la course, sont à 3 points des Rangers. Puis les Sabres sont à 2 points. Donc, ça se pourrait très bien que les Rangers finissent... 9 et 10, là, puis qu'il rate les séries encore une fois. Là. Faut croire que c'était Thomas qui a parlé de problème à Toronto. Ah, tout s'explique. Ah, tout s'explique, c'était ça. Il y a Phil Kessel qui s'est mis à marquer des buts. Ouais, c'est ça le problème à Toronto. Là. C'est ta principale arme, là, en plus. Grabowski, qui joue pas du mauvais hockey, tout le monde l'a eu là-bas, mais il voit de la glace. Il a gagné une très bonne saison, puis effectivement, là, on était surpris. Je veux dire, à Montréal, on n'avait rien vu de lui. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas eu nécessairement de chance, peut-être, puis il était un peu plus jeune. Mais j'avoue que ça m'a surpris de le voir aussi performant cette saison. Le seul joueur de l'histoire de la LNH qui voit beaucoup de glace et qui ne performe pas, Scott Gomez. t'es vraiment en train de me dire que c'est le seul, toi, là. Il y en a plusieurs. Non, mais je sais, mais avouons, disons, là, que. Mais le un petit peu de l'acharnement. D'ailleurs, j'ai lu le Rue Frontenac hier, il y avait un texte hier sur le rapport qualité-prix. Oui, bien, j'allais t'en parler, mais justement. Ouais. Justement, des joueurs qui gagnent des fortunes, mais qui, en contrepartie, ne livrent pas la marchandise, là. Donc, on avait effectivement notre ami Gomez. Il y avait, bon, dans la liste, là, il y a Ilya Kovalchuk, Vincent Lecavalier, Jason Spezza, Patrick Eliash, Brian Rolston, Jason Blake, Daniel Zubrus, Michael Nylander, Matt Stajan, Nicholas Hagman, Michael Ryder et Alex Kovalev chez les attaquants. Parce que là, c'est ça, faut que j'explique, mon collègue Marc Defoy a décidé de se faire une formation. À quoi ressemblerait la formation des surpayés? Donc, c'est une formation, évidemment, le plafond salarial a tombé. 13 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens là, pour faire son club de non-productif. Tu sais, quand tu t'achètes un jeu de hockey sur n'importe quelle console, c'est ces noms-là que tu supprimes en premier. Ouais. Tu sais, les Mark Recchi de ce monde là, qui gagnent 7 millions et 33 points dans la saison, là, ce genre de dans les jeux de hockey, je parle là, pas en ce moment, là, Recchi, là, mais tu sais, les joueurs overrate, là, c'est quand même des bons exemples que tu as donné. Ouais, effectivement. Puis en fait, c'est Marc qui les a donnés, mais il a mis pas mal le doigt dessus. Ouais, c'est ça. C'était pas trop dur, là. Tu trouves un fichier Excel, là, puis tu fais juste la transition dollar divisé par nombre de points, le total. Scott Gomez, ça doit pas être excellent. Philippe, sors ta calculatrice Windows, puis calcule-moi ça. Là, c'est parce qu'il y avait l'embarras du choix. Je pense que c'était ça la difficulté de l'exercice. Il fallait que tu fasses un club de 13, mais avec un nombre incalculable. Là, il fallait que je choisisse là-dedans. C'est ça qui était peut-être plus ardu. Donc, Jonathan, on va revenir sur le match d'hier, la victoire du Canadien. Carey Price, qui est quand même pas. Ça n'a pas été son blanchissage le plus difficile de la saison et de sa carrière. Non, mais écoute, là, comme tu sais, les Panthers ont été dans le coup pendant les 10 premières minutes. Puis après, une fois que c'est devenu 2-0, là, on les a perdus. Là, le match a été terminé. Puis le Canadien faisait ce qu'il voulait. Même, j'ai même l'impression qu'à un certain moment, ils ont. À 3-0, là, j'avais l'impression qu'il levait le pied même un peu. Puis encore là, c'était pas menaçant du côté des Panthers. Tu sais. Puis Jacques Martin a roulé ses 4 trios parce qu'il voyait bien que, bon, ça, justement, c'était la chance pour tout le monde de jouer, qu'il n'y avait pas de danger de gaffe ou d'erreur qui ferait perdre la rencontre. Donc, les Canadiens étaient seuls sur la glace hier. Pour une des rares fois, au cours des dernières années, les Canadiens ont obtenu un match facile en Floride. Puis au moins, il y a eu la bonne idée, si je peux dire, de ne pas l'échapper cette fois-là. Oui, ben c'est plus facile quand tu joues à domicile. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est plus simple comme ça, là. Mais, Jonathan, il y a quelqu'un, je me souviens pas qui a dit ça hier, j'écoutais le match, et on dirait que plus on, tu parlais de Scott Gomez, Philippe, plus on retire des ailiers à Scott Gomez, plus ses ailiers se mettent à performer. Et vice versa, là. Tous les ailiers qu'on y met à côté ne fonctionnent pas, exception faite de Pacioretty, là, qui, bon, il est dans sa bulle, faut croire, là. Mais, les autres. L'harceleur, deux points, hier, là, aussi, là, ouais. qu'on peut parler. Donc, ça va bien. Et là, en fin de semaine, du côté du Canadien, on affronte, Le Lightning de Tampa Bay. Donc, on continue sur la route et on se dirige vers. C'est-à-dire, on continue à domicile. Ouais, ben, un petit peu moins avec le Lightning. Les fois, ils sont quand même corrects du côté de Tampa Bay. Ouais, pour mais ils ont une bonne saison, ils ont une bonne séquence. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs, mais je veux dire, ils sont quand même. Ils dominent quand même leur section, puis ils vont participer aux séries assurément cette fois-ci, cette année. Donc, je pense que à Tampa Bay, quand ils ont une équipe gagnante, habituellement, il y a des gens dans l'amphithéâtre. C'est pas comme les autres formations où malgré certains succès comme à Phoenix l'an dernier, c'est quand même vide. Oui, c'est ça. Donc l'équipe Québec numéro 2, les Lightning de Tampa Bay, c'est Serge Demings qui va être content d'entendre ça. Tu sais, Serge, tu parles un peu avec Serge des fois? Oui. Bon. Serge, qui est un maniaque du Lightning de Tampa Bay, nous en écœuré vraiment assez solidement. Il a sauté sur le wagon, le bandwagon, qu'on dirait en anglais. Et là, du côté du Lightning, ben cette année, tu parlais d'une bonne saison. Je pense qu'on peut confirmer ça comme la renaissance du club de Tampa Bay. À quel point est-ce qu'on peut mettre ça sur la faute de Steve Yzerman et Guy Boucher? Ben moi, je pense qu'ils ont un gros rôle à jouer là-dedans parce que il y a eu quelques modifications dans l'alignement, mais ça peut être des modifications majeures. Je pense vraiment que c'est le... L'exécution ou le nouveau plan de match ou la nouvelle vision, la vision de Guy Boucher qui a peut-être relancé le Lightning. Puis quand le Lightning sont venus, le Lightning est venu à Montréal en début de saison, on avait parlé avec les vétérans Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis pour demander justement c'était quoi l'impact de Guy Boucher. Puis tout de suite, tu voyais que même si c'était un gars qui arrivait des mineurs et qui n'avait pas d'expérience dans la Ligue nationale, que son message avait passé immédiatement, puis qu'il y avait. Tu sais, c'est un fin psychologue aussi, on l'a vu quand il était à Drummondville, puis tu sais, à mesure qu'il montait les échelons, il a toujours été à mesure de bien s'entendre avec ses joueurs. Tu sais, on dit souvent, bon, c'est facile dans le junior parce que c'est encore des adolescents, tu peux leur faire ce que tu veux, mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, puis que tu essaies d'inculquer un nouveau système, des fois les vétérans sont réticents. Tu sais, surtout quand tu arrives. Du junior, puis que t'as fait seulement une saison dans la Ligue américaine, souvent tu te fais regarder de haut, puis hey, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, ça fait 10 ans que je joue dans la Ligue nationale, ouais. Je sais comment ça marche. Mais en tout cas, apparemment que Guy Boucher a réussi à vendre son idée, c'est son approche avec les joueurs, il est très, je dirais pas friendly, mais je pense qu'il se fait des alliés dans le vestiaire pour être capable de faire passer son idée de façon plus facile. Puis moi, j'ai aucun doute que le trio derrière le banc. Et puis, Steve Yzerman, ils sont pour beaucoup dans les succès du Lightning cette saison. Puis même, je m'en allais dire, ce qui a aidé un peu à Guy Boucher à être... tu sais, il est très politique, tu sais, il est très... j'ai pas le terme là, qui me vient, il est très... friendly un peu avec les joueurs, mais c'est aussi d'avoir en arrière de lui Yzerman, qui là, d'un autre côté, on a une légende que la plupart des joueurs ont vu jouer et qui, ben, la plupart, pas mal tous, là, j'ose espérer, là. Je veux bien croire qu'il y a certaines recrues, mais quand même, là. Il y a toujours des limites. C'est pas Mark Recchi non plus. Il a joué en couleur, Steve Yzerman. Ouais, c'est ça. Il a joué en couleur, là, du côté de Steve Yzerman, mais pas en HD, probablement. Non. Donc, et encore moins en 3D. Oui. Et, donc, du côté d'Yzerman, on peut se dire que de voir qu'un gars comme Yzerman, qui est directeur général, appuie à 100% Guy Boucher, ça aide à mettre la crédibilité sur le bonhomme, puis de voir qu'on l'a amené à ce prix-là et, ben, pas à ce prix-là, mais qu'on lui fait confiance de cette façon. Et Jonathan, on va parler en terminant, parce qu'il reste pas une tonne de temps. La période d'échange qui s'est terminée lundi, c'était extrêmement calme. Même ici à l'émission, on s'ennuyait. On a fait notre spécial transaction et on n'a pas eu à sonner la cloche des échanges très souvent. Avez-vous fait comme TSN puis dresser un portrait de l'équipe Canada aux prochains Jeux Olympiques? Ah, ça, là, j'ai donc bien changé de poste quand j'ai vu ça. J'en revenais pas. Non, mais j'admets leur façon de faire du temps. Ouais. Non, mais il y a faire du temps puis de garrocher en pleine face qu'on est en train de faire du temps. Il y a une façon d'en faire puis il y a une façon de dire aux gens, regardez, là, vous pouvez changer de poste, on est en train de faire du temps. On était en train d'analyser si Steven Stamkos s'est lassé, c'était des lassés cirés ou non. Ouais, là, on était rendu là du côté de TSN. Ouais. Ben, pour revenir à notre sujet, J'ai peut-être manqué ma prédiction du Canadien hors série. Ouais. Mais au moins celle-là, vous allez pouvoir me la donner. On t'adonne, Jonathan. C'était très calme, mais c'est pas nouveau là, du côté du Canadien qu'on est calme lors de la dernière journée de transaction. Non, ben, c'est ça. En fait, historiquement, là, dans les rues Frontenac, je fais justement un petit retour là-dessus. Là. Je me suis pas étiré jusque dans les années 80. J'ai stoppé mon étude, ma recherche à la dernière Coupe Stanley du Canadien. Mais t'as quand même été chercher des échanges comme Jean-François Jonfle, là, donc... C'est assez une recherche exhaustive. Oui, ben c'est ça. Ben, je voulais vraiment montrer que les gens, on s'énerve, tu sais, les gens s'énervent toujours à l'approche de la date des transactions, puis on espère toujours le gros coup de massue, là, puis finalement, ça arrive jamais. Mais ça arrive jamais pour personne, là. C'est non, quand même assez rare qu'une équipe va, année après année, y aller pour le gros coup, là. Exact. Puis, ben, à chaque année, habituellement, là, c'est... Je pense qu'il n'y en a pas plus qu'une. Mm. Des fois, il y en a peut-être deux grosses transactions, là, les bonnes années, là, mais habituellement, il y a comme un derby. Là, comme cette année, là, c'est le derby Dustin Penner. Là, le cœur m'a donc bien arrêté. Je veux dire, petit message à RDS, là, faites-nous plus ça, des affaires d'avoir des arrêts cardiaques comme ça. Nous dire qu'on a échangé Dustin Penner pour un premier choix, puis Jared Tinordi, je te jure... J'étais en train de désoler mon plancher. Ouais, mais ça venait... J'étais là, cette journée-là, ça venait de Pierre Lebrun. C'est parce que, je sais pas si vous connaissez l'histoire, là, il y a eu un faux Mike Kiprios. Ouais, c'est ça. Puis, bon, habituellement, quand Pierre Lebrun avance quelque chose, ben là, c'est fait, là, comme on dit. Ouais, c'est ça, on parle de crédibilité, là. Mais... Ouais, donc, quand lui a retweeté le faux Kiprios, on ignorait que c'était le faux Kiprios, ben là, tout le monde a sauté là-dessus, évidemment. Là. Et ce que j'ai trouvé bien drôle, c'est qu'on a mis la faute, évidemment, sur Twitter. Ben... Qui, évidemment, est un être vivant d'une méchanceté incroyable. Mais qui... C'est fait comprendre. C'est ce genre d'erreur-là qui fait comprendre qu'il faut faire attention et que les médias sociaux, des fois, ça peut être dangereux. C'est un peu la même chose qui s'était produite lors du premier décès de Pat Burns. Sur Twitter, on se rappellera. Ouais. Donc, Puis c'est que dans une journée où il y avait si peu d'échanges, il y avait si peu de transactions, de voir qu'enfin, il y a quelque chose de légèrement gros. Je veux dire, c'est Dustin Penner, là, c'est pas Mario Lemieux ou Toe Blake là, qui se fait échanger. Non, ouais, c'est ça. C'est André Costitine, version Oilers d'Edmonton. C'est ça. Là. Donc, tu sais, de voir ça, c'est qu'on a sauté sur la nouvelle parce que hey, ça va être probablement le seul scoop qu'on va avoir. Il est 2h15. Ouais. Donc, on était rapide, on n'a pas vérifié. Ça a coûté un petit peu la crédibilité à RDS là-dessus, à Pierre Lebrun. Là, ouais. Parce que moi, ce que j'ai trouvé étrange, par contre, c'est que une fois qu'on a pris connaissance de l'échange avec les Kings, on s'est rendu compte que c'était pratiquement la même chose. Ouais. Fait quand même, tu sais, au début, oui, une fois que tu dis, bon, c'était une fausse transaction, tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Quand tu y repenses, c'est vrai que ça n'a pas d'allure, échanger Tinordi et un choix de première ronde pour Dustin Penner. Là, une demi-heure plus tard, tu te rends compte que les Kings, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Si c'est pas plus cher, même. Ouais, c'est pas plus cher. Non, ça, là, ils l'ont échappé. Mais j'ai l'impression que du côté des Kings, on n'avait pas vraiment le choix de bouger. De faire quelque chose, ne serait-ce que de tenter l'improbable et le un peu stupide aussi en même temps, là, parce que bon, c'est quand même pas le meilleur échange possible, mais c'est cette année ou jamais là, du côté de Los Angeles, donc on va chercher un gros allié pour essayer de mettre sur les deux premières lignes. Ben c'est ça, puis si jamais ça fonctionne, ben ça aurait été une bonne transaction, ouais. Mais si l'échec est monumental, ben... On dirait qu'ils ont donné trop cher. C'est souvent ça qui arrive. C'est comme le fameux cliché, là, c'est dans les années suivantes qu'on peut savoir vraiment si la transaction était bonne ou pas. Mais tu vois, Dustin Penner en Californie semble s'y plaire, donc on va espérer du côté des Kings. Il a quand même connu des bons moments à Anaheim. Oui. Donc pas très loin de Los Angeles. Là. Peut-être qu'il va. L'air de la Californie va lui ramener sa production. Les plages et les filles en rollerblade. Ouais, ben, pour revenir au Canadien, vite, avant que je vous quitte, là, c'est ça, avec mes transactions depuis 93, à la date limite des transactions, il y a eu, donc, en 18 ans, finalement, il y a eu deux transactions majeures pour le Canadien. Celle de 99, qui avait envoyé Vincent Danfous à San Jose contre trois choix de repêchage. Et deux ans plus tard, en 2001, celle où le Canadien s'était départi de Trevor Linden, Richard Zetnik, ouais. Je pense à un choix contre... c'était Yann Boulis, Daniel Zubrus et... Tu me parles d'une transaction majeure. En fait, c'était Trevor Linden et Daniel Zubrus contre Richard Zetnik et Yann Boulis, c'est ça. Oui, c'est ça. Hey, Jonathan, tu regarderas dans ton rue Frontenac, mais je pense que c'est à l'envers. Ouais, ben c'est ça, je viens de voir. C'est sûr que je me suis posé la question. En même temps, je vous le disais. Là, je disais, voyons, il me semble qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas là-dedans. Faut t'avouer à moitié pardonné. Donc, fait que c'est ça. Donc, les abus... Puis les autres transactions, c'était des transactions insignifiantes, comme j'ai dit. Bon, t'as nommé Jean-François Jones contre de l'argent. Il y avait Pat Jablonski contre un certain Steve Cherry Darrick. Pat Jablonski et son masque des Maple Leafs de Toronto. Ouais. Murray Barron et Chris Murray contre Dave Manson. Passe, là. Stéphane Pizek ont des considérations futures. Mais il n'y avait pas eu l'échange Kirk Muller et Kirk Muller, Vladimir Malavov et Arthur Jones à cet échange-là. C'était pas dans la région, c'était pas la dernière journée, j'imagine. Non, c'était la dernière journée, c'était dans les semaines précédentes. Ah, okay. Là. Okay. Et même c'était. Moi, je me suis juste en bas dans le tableau suivant, là, j'ai les semaines précédentes à la date limite, là, mais souvent c'est un mois avant. Je ne suis pas allé plus loin. Puis je pense que l'échange de Muller et Turgeon, c'était genre au mois de janvier. Là. 1er mars 2000, ouais. Je crois, Malahoff. Oui, bien Malahoff, quand on l'aurait échangé. Ah oui, c'est ça, c'est New Jersey. Donc c'est ça. Ben merci beaucoup, Jonathan. Ben ça fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. Salut. Bye. Donc, c'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. N'hésitez pas à aller lire les articles, toujours très intéressants du côté de Rue Frontenac. On n'a pas eu le temps d'en parler, Philippe, mais mon hypothèse, pourquoi c'était aussi calme que ça sur le marché, parce que, oui, c'était calme, on dit, ça se passe jamais la dernière journée, tout ça, mais on s'entend qu'il y a quand même eu le double de transactions de l'an dernier par rapport à cette année. Je pense qu'on peut mettre ça, entre autres, sur la faute du côté de la conférence de l'Ouest, où est-ce que c'est extrêmement serré. Écoute, la quatrième position, il y a trois points de différence entre la quatrième et la onzième position. Tout le monde est en course pour faire les séries éliminatoires et tout le monde a une chance de faire les séries éliminatoires. Donc, on veut pas arriver et vendre tous nos joueurs et manquer les séries par un point. Exactement. Et ensuite perdre. Écoute, c'est 1 à 2 millions, là, une première ronde de séries éliminatoires. Si on joue 2 matchs, 3 matchs, tout dépendant, mais par match, c'est au moins 1 million. Donc, c'est des revenus qui s'envolent dans ce cas-là. En fait, du côté de l'Ouest, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même été assez intelligent du côté des directeurs généraux. Si on a à faire une transaction, on attend le plus tard possible pour la faire, pour pas que les autres équipes partent le bal puis que ça s'enchaîne. Si la transaction de Penner se fait pendant qu'on est en onde lundi dernier, lundi matin, t'as une trollée de transactions qui va se faire, puis ça met le feu aux poudres, en fait. Là. Toutes les équipes vont se mettre à vouloir s'améliorer parce que, donc justement, le fait de garder la grosse transaction pour la fin, selon moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un jeu un peu dangereux aussi parce que, oui, t'as doigt sur la gâchette pour venir faire la transaction, mais si tu dis « je vais attendre jusqu'à 2 heures pour faire ça pour pas que les autres aient le temps de répliquer » et il y a quelqu'un qui vient te soutirer Dustin Penner en dessous des pieds, tu te retrouves dans le trou parce que t'as rien fait pour t'améliorer. Effectivement, mais je suis pas certain. Par contre, je pense que l'an dernier, il y a eu beaucoup plus de transactions. C'est pas une année record l'an dernier, ok, t'as dit moitié plus et non pas moitié moins. Ah ben il y a eu double de transactions l'an dernier environ. Donc ça a été, écoute, tu disais très bien, c'était plate et pas à peu près à TSN. On cherchait nos mots et on a failli ramener Maggie le singe pour faire des prédictions. Ouais, on a même failli voir Sarah et Totoun du côté de Ries, qui sont les deux éléphants qui font des prédictions. T'as pas vu ça? Non, ben oui, je les ai vus, mais j'ai pas vu le. Je l'ai écouté à TSN parce que je voulais. Ouais, non, moi aussi, mais je voulais amener tu zappes parce que là, c'était. Ben il y avait les docteurs à Radio-Canada aussi qui étaient un peu intéressants. Tu vois, ça, j'ai pas essayé. Qui allait nous dire que le beurre de pinot est cancérigène. Ben, le beurre de pinot est cancérigène, mais ne portez pas des caleçons trop serrés. D'accord. C'est connu, faites attention. Et en même temps, les feux de l'amour du côté... Et les docteurs devant les caméras, c'est beaucoup plus utile que dans les hôpitaux. Ouais. Beau commentaire éditorial le matin. Ben non, mais c'est très ça. D'accord. C'est un petit éditorial. Sur cette note sociale, ouais. C'est une note sociale. C'est une note sociale. Oui. Sur cette note sociale, on s'en va une pause au retour sur la chronique foot de Philippe. Oui. Et vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie. N'hésitez pas à nous contacter live à commercial inconduitedepartie.com. Suivez-nous sur Facebook, sur les Facebook et inconduitedepartie.com, notre site web. 89. Ah, c'est fou, là, vous avez. Il y a un chandail ici, là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. We'll be right back. Jean-Philippe avec la chanson « Envie de rien ». Allons-y, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie, bien sûr, sur les ondes de C'est fou 89.1. Et on continue avec la chronique football du côté de l'océan, de l'autre océan, le soccer. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé du côté, j'imagine, tu commences avec la Ligue des champions? Et non. Ah ben, maudit. Et non, cette semaine, je fais différent. Vas-y. Parce que je trouve vraiment qu'on a une magnifique nouvelle. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le bulletin de nouvelles. Le Mondial féminin au Canada en 2015, c'est une excellente nouvelle pour ce qui est du soccer au Canada. Je vous lis la nouvelle là, qui vient d'Agence France-Presse et de la presse canadienne. La FIFA, en direct de Zurich, a confirmé que le tournoi de la Coupe du monde féminine de soccer aura lieu au Canada en 2015. La décision a été annoncée jeudi par le président Joseph Blatter lors d'une conférence de presse organisée au siège de la FIFA à Zurich à la suite d'une réunion du comité exécutif de la FIFA. La Coupe du monde 2015 dames, pour la première fois avec 24 équipes, a été attribuée à l'Association canadienne de football, a précisé M. Blatter. C'est une excellente nouvelle parce qu'on va avoir tous les yeux rivés vers nous, vers, je crois, c'est 7 villes qui sont en possible là, pour accueillir les matchs. Évidemment, ça va créer des terrains de qualité pour justement pour par la suite. Ben, là, à quel point on a besoin de nouveaux terrains pour un événement comme ça? Pas de nouveaux terrains, mais il faut absolument que tes terrains soient en excellente qualité. Donc, ce qu'on va faire, sans nécessairement avoir un nouveau terrain, mais on va s'assurer qu'on va avoir des stades qui sont en mesure de performer pour le soccer. Prends exemple du stade olympique, mettons. Okay. Le stade olympique, si jamais, je crois pas que... Ça risque plus d'être au stade Saputo. Exactement, mais on va prendre l'exemple du stade olympique. Okay. Si le stade olympique avait à recevoir un match de la Coupe des de la Coupe du monde féminin, ben assurément, il faut que... Ça prend un terrain en excellente condition, ça prend une assistance technique qui fait le travail. Donc, justement, on crée un préalable pour par la suite pouvoir reproduire ce même exercice à plus petite échelle. Okay. Si je prends exemple du match qu'on a eu, l'Impact contre l'AC Milan qui était au Stade olympique, moi, j'y étais. Et pas très joli le gazon à voir. Là. Non, des patches brunes, des patches vertes, c'était pas super agréable. Pour une Coupe du monde, tu peux pas faire ça. On était loin de ce qu'on peut faire du côté des stades de la NFL où on sort le gazon dehors puis on l'entretient. Là. Exactement. Et également, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est possible que d'ici là, Montréal soit la ville qui sert de siège social à la FIFA. Donc, c'est également ce qu'a confirmé Joseph Blatter. Donc, ça aussi, c'est une excellente nouvelle parce que si, un peu comme la CIO avait amené son bureau à Montréal, un peu également comme l'Agence mondiale antidopage avait fait, donc année après année, on change, là, je pense que c'est des baux d'environ 3 ou 4 ans, mm-hmm. Et on change de ville, mais c'est une très belle opportunité, une très belle fenêtre pour Montréal que de se retrouver potentiellement le siège social de la FIFA, et c'est une magnifique fenêtre pour le Canada d'accueillir cette Coupe du Monde. Puis aussi, il y a le fait que du côté de l'équipe féminine, on est pas mal plus performant que l'équipe masculine. Oui, on est 6e ou 9e au monde. Ah, à ce point-là, je pensais qu'on était top 20, peut-être. Ouais, peut-être On est assurément dans le top 10. Je te sors ça. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Et tant qu'à être au Canada, on va continuer sur notre continent. L'Impact a terminé son stage en Arizona contre les équipes de la MLS. Avec une bonne victoire 3-0 contre le FC Dallas. Rappelons que le FC Dallas a été finaliste de la Coupe de la MLS l'an dernier. Oui. Donc, vraiment, un bon résultat pour l'Impact dans ce match-là. On finit avec une victoire, 2 défaites, ce voyage de 3 matchs. Donc, il y a quand même quelque chose pour bâtir. Puis c'est sûr que c'est relatif au niveau de qui on a envoyé sur le terrain. Souvent, on n'a pas de limite de changement. Exactement. Il n'y a personne dans les estrades. Il n'y a pas vraiment, sans jeu de mots, d'impact à ce match. Je me suis trouvé très drôle. Ouais, c'est bon. Ils sont toujours plus drôles quand t'es prépares pas puis qu'ils sortent comme ça. Ça sort, ouais, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, du côté de l'Impact, on a aussi plus pratiqué des joueurs, voir les combinaisons possibles. C'est un camp d'entraînement étiré, si on veut. Donc, à ce niveau-là, bon résultat du côté de l'Impact. Et j'ai une réponse au niveau du Canada. On est présentement 9e en hausse de 4 positions depuis le dernier... classement qui avait été sorti le 10 août. Bon, donc, mais tu vois, donc, 9e position, ouais, c'est très, très, très, c'est bien, très là, bien, du côté du Canada. Et ouais. C'est un des sports où est-ce que... Ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs puissances mondiales, mm-hmm. au soccer masculin, qui ne laisse pas les femmes jouer au soccer beaucoup, beaucoup. Donc, je veux dire, le Brésil... Deuxième ou premier, le Brésil. Là, oui, OK, je l'avais pas vu. Portugal, par contre, Portugal. Pas fameux, le Portugal. J'essaie de te le trouver. Le Mexique, c'est très loin. Bon, l'Argentine, puissance masculine, sont au 28e rang. Mm-hmm. Et le Portugal au 39e rang. Donc, c'est une dynamique totalement contraire. C'est plus au niveau de à quel point tu pousses les sports féminins dans ton propre pays. Et au niveau du Canada, ben, je pense qu'on est un exemple mondial au même titre que les États-Unis et quelques autres pays. Oui, effectivement. Et j'ai la magnifique impression que d'ici 2015, les Canadiennes vont avoir encore grimpé au classement et vont être probablement une menace pour ce mondial-là. Donc vraiment, moi, c'est une nouvelle qui m'a enchanté. Hier ou avant-hier, j'étais très, très, très heureux de cette nouvelle. On peut s'attendre à ce que les matchs prennent place. On parlait du Stade Saputo, mais on peut s'attendre à la finale du côté du Centre BMO à Toronto. Il y a de très fortes chances que ce soit l'endroit où se disputera la finale. Mais ça va être le fun de voir les stades. Oui, le Stade Saputo, BMO, le nouveau stade, le nouveau BC Place, totalement rénové, qui va pouvoir servir. Edmonton, j'en déduis qu'on va jouer certains matchs au Commonwealth Stadium. Il y a des chances. Et peut-être la construction d'un stade à Halifax. Ça se parle depuis de longtemps qu'on veut un stade là, du côté des... C'est exactement le genre de choses qui peut... La seule chose, c'est que je tiens à ce qu'il soit ensuite réutilisable pour une équipe de la LCF. Ah ben oui. Ben oui, ça c'est. Mais ça, du côté d'Halifax, évidemment, c'est ça, on va mettre ça dans le contrat, là. Ça, c'est. Ben, c'est encore drôle parce que regarde le stade. Je t'amène une nouvelle de soccer. Le stade qu'on va construire pour les Olympiques de Londres en 2012. Mm-hmm. Il y avait un combat présentement du côté du comité organisateur, le comité olympique londonien. Et entre quelle équipe allait ensuite occuper le stade pour ces matchs les équipes de Premiership. C'était surtout entre Tottenham et... J'ai un blanc. Tottenham et... Nomme-moi une autre équipe à Londres. J'ai le blanc là. Londres, c'en est une. Sinon, attends un petit peu, je pense que je vais aller chercher... Et entre l'autre équipe qui... Et finalement, c'est pour ça que c'est niaiseux, parce que c'est l'autre équipe qui l'a eu. Donc, on avait deux possibilités. Là, soit du côté de Tottenham, on disait... Parce que là, faut pas oublier que la majorité du stade va avoir une piste d'athlétisme, ce qui fait bon que on est plus loin du terrain et c'est différent au niveau de la visibilité. Tottenham voulait détruire une majorité du stade pour le reconstruire. C'est un stade de 80 000 places pour ensuite le reconstruire, mettre ça plus serré. Du côté de l'autre, je pense que c'est Fulham, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est ça. Je suis en train d'aller chercher l'information. Continue ton. Donc on a du côté de Fulham, si j'ose dire qu'on l'a eu là. Du côté de Fulham, on a dit non, nous on va garder la piste d'athlétisme. Le comité olympique, c'était ce qu'il voulait aussi, garder la piste d'athlétisme parce que on veut garder un héritage des Jeux olympiques du côté de Londres. C'est West Ham. West Ham, c'est ça. L'offre de West Ham d'aménager dans le stade olympique après les Jeux de 2012 a été approuvée par le gouvernement britannique et les officiels locaux jeudi. Donc c'est ça. Donc West Ham va garder. Par contre, on va réduire la capacité du stade de 80 000 à 60 000. Question de créer un besoin. Hey, mais West Ham... Je viens de voir le prix des installations. Oui, vas-y. Le club du Premiership avait été choisi le mois dernier comme locataire privilégié au détriment de Tottenham des installations construites pour 867 millions. Ben écoute, c'est moins payé qu'à Dallas. Oui, mais à Dallas, il y a un Jumbotron énorme de 80 verges. Ben, il y a surtout un toit. C'est ce, c'est ce qui change. Ouais, mais ça, un toit en Angleterre, on n'aime pas ça. On peut pas recevoir toute la belle pluie britannique qui nous tombe sur le corps. C'est plus qu'on n'a pas besoin de toi, on est habitué à se faire mouiller dessus du côté des Anglais. Ouais. Donc je te laisse continuer. J'en étais où? Ben là, on est rendu en Angleterre. Oui. Donc poursuivons en Angleterre. En fait, pas de match de la Ligue des champions cette semaine. L'action qui reprendra les 8 et 9 ou les 7 et 8, ainsi que les 15 et 16 mars, donc la semaine prochaine et l'autre d'après. Pour les matchs retour. Mais quelques petites nouvelles quand même du côté de la Ligue des champions. Tout d'abord, Ronaldo incertain pour Lyon. Cristiano Ronaldo pourrait rater les huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League contre l'Olympique Lyonnais en raison d'une blessure à la cuisse survenue jeudi. Très mauvaise nouvelle là, du côté du Real là, qui évidemment aurait fort bénéficié de l'appui de Cristiano Ronaldo, un joueur que je n'aime pas du tout, mais qui joue pour l'équipe que j'adore. Ça, c'est... Le Manchester United? Non, c'est non, Real Madrid. Là, c'est mais là, c'est, un sentiment désagréable que de voir marquer un joueur que tu détestes pour une équipe que tu adores. Mm. Donc, à ce niveau-là, c'est ça, je suis obligé de faire avec. C'est une relation amoureuse pour toi. Oui, exactement. Le FC Inter Milan doit trembler devant les statistiques impressionnantes du FC Bayern Munich en Allemagne cette saison au moment de défendre son titre malgré une défaite 1-0 à l'aller. C'est que le Bayern de Munich est pratiquement invaincu à domicile. Donc, à ce niveau-là, l'Inter Milan qui pourrait perdre son titre. Arsenal perd Van Persie pour Arsène Wenger. Robin Van Persie est définitivement out pour le second round face au FC Barcelone mardi prochain. Van Persie pourrait manquer les trois prochaines semaines. Et également, la belle petite nouvelle, on a dévoilé le ballon. Donc, le final est London dévoilé à Wembley. Ballon qui est magnifique, d'ailleurs. Ballon officiel de la finale de l'UEFA Champions League 2011 qui se jouera le 28 mai à Londres a été présenté aujourd'hui par Adidas, aujourd'hui étant vraiment aujourd'hui par Adidas avec l'aide de Samir Nasri, Salomon Kalou et Jermaine Defoe. Donc, ouais, là, tu te demandes pourquoi j'ai dit aujourd'hui étant vraiment aujourd'hui? Ouais. Ben, parce que la nouvelle a coulé hier, en fait, et on a vu le ballon hier, mais on l'a, la conférence de presse, je me suis trouvé drôle. Je me sens comme Milli Vanilli un matin, la conférence de presse a été faite aujourd'hui. Ballon qui est magnifique, en fait, j'ai envoyé le lien sur la page Facebook de l'inconduite de partie. Les étoiles, parce que bon, dans la ligue, la finale de la Ligue des Champions, le ballon est toujours étoilé. Elles sont un peu là, sans être rouge, elles sont un peu là, rouge doré, si on veut. Vraiment, vraiment très magnifique. Là. Vous irez voir ça sur le les Facebook. Ouais, sur les Facebook de l'inconduite de partie. Et en fait, à ses côtés, on a les autres ballons qui avaient été faits les années précédentes du côté d'Adidas. Et si ma mémoire est bonne, le bleu est celui de l'an dernier. Donc, allez voir ça. Là, c'est quand même spécial, je veux dire, qu'on met autant d'emphase sur le ballon. Au soccer, alors que personne parle de la rondelle du côté national. Ouais, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de technologie qui entre en ligne de compte. C'est ça, beaucoup de technologie. Mais... Et c'est pas juste ça, c'est que pour Adidas, c'est des revenus. Ah ouais. C'est pas mal plus ça. C'est sûr que c'est ça. C'est une promo. C'est Adidas qui fait la propre promo, ouais, en fait, de tout ça. C'est pour eux autres que c'est important. Là. Donc, à ce niveau-là, beau travail là, du côté d'Adidas. Et d'ailleurs, la patch en étoile, là, je trouve ça génial. Je vais aller voir ça là, ouais, du côté des Facebook. Et voilà. Alors, c'est ce qui conclut ta chronique soccer. Hein? C'est ce qui conclut. Ben c'est d'accord. Alors, on va aller à la musique sur cette fin de chronique. On va aller écouter le grand rock de Capitaine Révolte. On monte un peu dans le passé là, du côté de Capitaine Révolte et de l'album Danse sociale. Et au retour, on va parler de hockey en Mauricie rapidement. Le temps avance quand même rapidement. On a une émission qui file très rapidement. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Que chaque que prenne sa place sur le grand échiquier. Les Blancs commencent à jouer, rien n'a vraiment changé. Ils se croient supérieurs, ils en sont très fiers. Même dans le dictionnaire, le noir c'est l'absence de lumière. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Les présidents s'amusent à jouer à ce petit jeu de société. La terre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Dans chaque pays, à une armée prête à tout faire sauter. Premiers appâts pour l'ennemi affamé. Ils avancent fièrement pour déminer les champs de blé. Les fous sont prêts à tout pour mourir dans l'honneur. Et chaque tour peut s'attendre à vivre dans l'horreur. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Les présidents s'amusent à jouer à ce petit jeu de société. La terre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Dans chaque pays, y a une armée prête à tout faire sauter. quel pouvoir séducteur. Les rois sont protégés de tout bon tout côté par une armée de pantins si bien manipulés. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Le président s'amuse à jouer à ce petit jeu de société. La terre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Dans chaque pays, a une armée prête à tout faire sauter. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. La guerre est un jeu, un immense jeu d'échecs. Dans chaque pays, a une armée prête à tout faire sauter. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va maintenant parler un petit peu de hockey à Mauricie. Du côté des cataractes de Shawinigan, on était en action. C'était mercredi du côté de Drummondville et on a connu une très mauvaise partie là du côté des cataractes. Quelque chose que l'entraîneur Eric Veilleux n'a pas à être ne sera pas fier de ses troupes suite à ce match. Et d'ailleurs, il s'en est pas privé pour le dire. C'est une victoire de 4-1 des Voltigeurs sur les cataractes. Les Voltigeurs qui ont décoché 36 tirs alors que les cataractes seulement 21. Les buts, bon, du côté de Drummondville, on a enfilé 3 buts sans réplique du côté des Cataractes. C'est Jonathan Brunel, Pierre-Antoine Dion et Sean Couturier. La réplique est venue de Dave Labrec en début de deuxième période et André Bouvet-Morissette en troisième période a réussi un filet dans un filet désert. Donc, mais par contre, là, du côté des Voltigeurs, on n'a vraiment pas été opportunistes parce que ça aurait pu être un massacre pas mal plus que ça. Sean Couturier, Pierre-Antoine Dion et Marc-Olivier Bouillard sont respectivement la première, deuxième et troisième étoile. Grosse foule là du côté du centre Marcel Dion. 3423 places. Personne plutôt ont assisté à ce match. Honnêtement, il ne devait plus rester grand place. C'est à peu près ça que ça contient le centre Marcel Dion. L'aréna du côté de Drummondville. Et du côté du centre Biona, c'est bien les deux équipes s'affrontent encore, mais ce soir à Shawinigan, on va tenter d'obtenir une vengeance là, du côté des Cataractes et on devrait offrir une performance pas mal plus convaincante que ce qu'on a pu voir là du côté de ce match disputé mercredi dernier. Du côté de Victoriaville, les Tigres sont en action ce soir. C'est contre Bécomo. C'est à 19h30 du côté de Bécomo. Donc, ne vous déplacez pas. Vous aurez probablement pas le temps de vous rendre. Autre nouvelle, on peut parler des sports étudiants du côté du hockey collégial. Les Dragons du Collège de la Flèche qui sont en action, c'est ce soir. C'est par contre à l'aréna Renaud Caron. Ils affronteront le Cégep de Saint-Laurent. Le Collège de la Flèche, bon, les joueurs du Collège de la Flèche, là, ça va bien ce mois-ci, le mois dernier plutôt. Le réseau du sport étudiant du Québec a dévoilé ses joueurs offensifs et défensifs du mois de février. Et c'est deux joueurs des Dragons du Collège de la Flèche. Donc tout d'abord, Alex Poirier, le joueur de 19 ans qui occupe le premier rang des marqueurs, a vu son travail récompensé en étant nommé joueur offensif. Alors que le joueur défensif, c'est Olivier Manta, le gardien de but de 17 ans, donc le jeune gardien de but, lui qui est originaire de Latuque, qui récolte le prix. Donc félicitations à eux. Très bonne performance, ça va bien du côté des Dragons ces temps-ci. On n'a pas grand-chose à se reprocher. Et d'ailleurs, même au niveau des joueurs de la semaine, Alex Poirier récolte la deuxième étoile. Il a été devancé par Pierre-Olivier Paiement de Sorel-Tracy. Au niveau du Caron Aiguille de Trois-Rivières, eh bien, ils sont en action ce soir au Saguenay. C'est à 20h30. Quelques nouvelles là, du côté de la Ligue nord-américaine. Tout d'abord, Donald Brashear qui a été suspendu 5 matchs en plus des 3 matchs qu'il était déjà suspendu. Donc, on parle d'une suspension de 8 matchs pour Brashear, lui qui a pété les plombs dans un match contre le Caron Aiguille, justement. Vous pourrez aller voir, j'ai fait un petit texte là, qui redirige vers la vidéo sur inconduitdepartie.com. Donc, Brashear qui s'est attaqué au gardien Julien Ellis, qui lui-même avait attaqué un joueur de sa propre équipe. Donc, il est venu à la défense. C'est correct de venir à la défense de son propre joueur. C'est d'en rajouter pas mal par la suite, qui n'est pas très appréciable. Autre nouvelle du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, le Cool FM a été nommé champion de la saison régulière 2010-2011. Donc, l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce qui a remporté le championnat grâce à une victoire de 5-3 sur l'isothermique de Thetford Mines. Donc, très bonne performance du côté du Cool FM. Du côté du classement là de la Ligue nord-américaine de hockey, on est présentement, bon, bien sûr, Saint-Georges-de-Beauce est premier. Le Caron Aiguille Trois-Rivières est toujours au deuxième rang à 10 points du Caron Aiguille et au troisième rang vient l'isothermique de Thetford Mines. Et finalement, là, du côté du hockey Midget 3A,

la rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Vous êtes de retour à la conduite de partie sur les ondes de C'est fou, je t'ai pogné, hein? Non, pas du tout, je t'avais vu faire. Ah oh oui! Tout à fait. Ah oh ouais. Tout à fait, ça fait même très longtemps que je te dis, mets-nous donc en micro quand c'est quoi un ID en français? Une identité. Une identité, non, c'était trop simple. Il y a sûrement un autre nom, là. Oui, probablement que tu n'en as aucune idée, donc tu m'as répondu identité. Ouais, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'une idée en français, alors je vais dire. La merveilleuse voix de Serge Vlemings dans vos oreilles ce matin. Hey, il fait deux fois là, qu'on parle de Serge Vlemings ouais, ce matin. Oui, il serait peut-être content. C'est le Vlemings Show, Serge, que je devrais voir ce soir d'ailleurs. Ouais. Je suis pas mal sûr du côté du Colisée Trois-Rivières. Effectivement. On vous rappelle, on va leur plugger. Les Patriots affrontent ce soir les Redmen de McGill. Ils auront besoin d'appui parce qu'une défaite les éliminera des séries éliminatoires et ils ne pourront accéder au championnat canadien. Philippe. Toi, là, mettons que je te dis. Tu fais des millions et des millions et des millions de dollars avec ton club de football par année. Où est-ce qu'est ta limite de à tel point que tu n'es pas prêt à donner plus d'argent aux joueurs puis tu préfères aller à leur compte? C'est un problème fondamentalement social qui va ébranler tous les pans de la société dans les prochaines années. Les gens qui possèdent de l'argent, on dirait qu'ils n'ont pas conscience du fait qu'ils peuvent en faire profiter la collectivité et tout ce qui compte, c'est leur propre poche. Je veux dire, quand une ligue fait 9 milliards de profits par année... Non, revenus. De revenus, c'est tellement différent. Ben oui, parce mais que t'as oui, des bases, t'sais. Oui, mais on s'entend que de ce 9 milliards-là, un qui s'en va dans la réfection des terrains et des installations. Mettons qu'à bout de ligne, c'est 3-4 milliards de profits. Exactement. 3-4 milliards de profits, c'est beaucoup de millions. Qui est même et beaucoup de milliers, qui fait beaucoup de frais de scolarité. Alors, ce que je veux dire, c'est que... À un certain moment donné, là, il faut prendre conscience que cet argent-là, elle est collective. Oui, elle est possédée par quelques gens, mais cet argent-là, elle a été faite, elle a été fabriquée en collectivité, elle a été fabriquée de façon collective, mais en fait, c'est que sans tout le monde autour de la machine de la NFL, les proprios sont pas multimilliardaires, là. Donc, il va falloir un jour que quelqu'un allume puis qu'on se rende compte qu'il faut que ça profite à tout le monde. Et... ce qui va se jouer dans la LNF, dans la LN, pourquoi je dis ça encore? LNF, dans la NFL, de football. Ce qui va jouer dans la NFL, t'as dans bon les... mot là. Ce qui va jouer, je me flagellerai pas, inquiète-toi pas. Non, ce qui va se jouer dans les prochaines heures, prochains jours du côté de la NFL va dicter le ton des prochains sports, des prochaines négociations au niveau des sports, entre autres dans la LNH. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Au même titre qu'il y a celui de la NBA qui se termine cet hiver. La NFL, c'est un monstre en dehors de tout ça. La NFL, contrairement à tous les autres sports, c'est un match par semaine. C'est des revenus faramineux. Mm-hmm. C'est un contrat de télévision qui pourrait nourrir un pays au complet. Mm-hmm. C'est tellement gros, ils sont tout seuls dans leur propre ligue. Et là, la situation, bon, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, en temps normal, on devrait être en lockout du côté de la NFL, les propriétaires, propriétaires qui déclarent lockout, c'est-à-dire, on n'est pas capable d'opérer avec les demandes salariales que vous nous demandez, tu sais. Mon œil. Alors, ce qu'on demande, là, c'est... on serait supposé être à leur cadre. Par contre, il y a des négociations. On est dans un marathon de négociations présentement du côté des deux côtés. Ça se dit mal, là, mais des deux adversaires. Des deux parties. Des deux parties, merci. Et là, du côté des deux parties, et on doit maintenant aller... On a prolongé les négociations de 24 heures, comme Philippe le disait si bien dans les nouvelles, mais on vient d'annoncer là du côté de la... De la NFL, et du moins du site des ESPN, les joueurs ont donné leur accord pour que ça se continue pendant 7 à 10 jours encore. Donc, de toute façon, c'est pas comme la Ligue nationale où est-ce qu'on avait dû suspendre la saison pour l'instant. On est encore très loin de ça. C'est certain, mais c'est pas... Ça, je suis d'accord avec toi, mais... Non, mais je comprends le côté que tu prends là-dessus, OK? Et je suis d'accord avec toi. Je pense que du côté des propriétaires, on fait déjà beaucoup d'argent avec. Oui, il y a des. Et là, ce qu'on va dire, il y a certains propriétaires qui en font moins. C'est vrai. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai que d'un point de vue, d'un point de vue réaliste, avoir une équipe à Jacksonville, c'est pas comme avoir une équipe à Dallas ou à New York. Non, non, mais tu l'as acheté, l'équipe, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas, y a pas personne qui a tordu le bras à personne pour acheter une équipe de football, là. Et là, ce qu'on demande, dans le fond, c'est sur la tarte de 9 milliards, plutôt, qu'on fait, du côté des propriétaires, on demande aux joueurs de céder 1 milliard de plus. Parce qu'on en cède déjà un du côté des joueurs. On cède déjà 1 milliard de ce 9 milliards-là. Du côté des propriétaires, on en demande un deuxième. Et ces 2 milliards-là sont établis avant justement la division de salaire. Exactement. Ouais, c'est ça. On parle de division de salaire 60-40 dans la NFL. 60% pour les joueurs, oui. 40% pour les propriétaires. Oui. Donc, c'est présentement ça. Mais là, on demande 1 milliard supplémentaire avant cette division-là. Je ne le savais pas, là, tu me l'apprends. Mm-hmm. Là, j'avais pas vu cette information-là. Donc, c'est beaucoup. Et là, ce qu'on demande en plus du côté des joueurs, on sait comment la cédule est faite dans la NFL. C'est 4 matchs pré-saison, 16 matchs de saison. Là, ce qu'on demande, c'est de retirer 2 matchs de pré-saison et avoir une saison de 18 matchs. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, y a-tu de quoi de plus emmerdant que la pré-saison dans la NFL? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord et je pense que secrètement, les joueurs aussi sont d'accord, mais ne concéderont évidemment pas ce point-là en partant. Ils vont s'en servir un peu comme argument là pour négocier. Là où moi, j'ai un peu un problème, c'est que le milliard supplémentaire que les proprios demandent sert actuellement, en fait, qui deviendrait un 2 milliards, qui est en ce moment un 1 milliard, sert actuellement à rehausser la qualité des terrains, à rénover les stades, à profiter à la collectivité de la Ligue. Ouais, c'est large, la Ligue, je te dirais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'on sait ce qui arrive quand on rénove un stade. C'est des nouvelles loges, c'est des nouvelles installations, des nouveaux. Mais c'est fait pour ça. Et ça, si tu veux mon avis, je trouve que l'idée est pas bête. Mais si tu demandes 2 milliards supplémentaires pour continuer de faire ça, je veux dire, à quoi il va servir ton 40% que tu vas chercher là en partage de revenus? Parce qu'il te reste quoi à faire en tant que propriétaire par la suite? Ça va dans les poches des propriétaires. Exactement. Et c'est là où les joueurs ont raison de dire « wow ». Ouais, on peut-tu en avoir aussi? On a 32 propriétaires techniquement. Là. Ouais. Et dans chacune des équipes de foot, c'est 45 joueurs actifs. Ben, actifs plus l'équipe sur de pratique. Les bancs, plus l'équipe de pratique, plus le staffing coach, plus le vendeur de peanuts. Exactement. Là, eux, je suis pas sûr qu'ils profitent du partage des revenus au niveau des joueurs. Le 60% des joueurs, il est dilapidé beaucoup plus que le 40% des propriétaires. Ah, ben, ça, c'est sûr. Et là, à un moment donné, justement, il va falloir qu'on arrête du côté des propriétaires de penser qu'on est plus grand que nature. Et c'est une ligue aussi où est-ce que la carrière en moyenne dans la NFL, courte. C'est environ 3 ans. Mm. C'est extrêmement court. Là. Les gars qui vont jouer des années, c'est très, très faible comme nombre. L'espérance de vie d'un joueur de ligne, offensive, défensive, là, les joueurs qui sont dans les tranchées, c'est 60 ans. 60 ans, là, c'est 20 ans de moins. Là. C'est épouvantable pour... Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui flobent leur argent. 2 millions et demi par année, tu sais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et on va du côté de la population, on chiale tout le temps sur comment les joueurs, le salaire que les joueurs, les athlètes font, peu importe le sport. Mais quand on regarde les revenus qu'on est capable d'engranger à travers tout ça, pourquoi un joueur pourrait pas faire son 10 millions par année? Mm-hmm. Hein, pourquoi pas? Là, mais c'est ce qu'on veut faire aussi, là, justement, du côté de l'association des joueurs. C'est qu'on veut se dissocier du syndicat qui nous représente, donc qui est l'association des joueurs. Et on veut prendre un icône de la NFL. Je vais arrêter de dire LNF. De la NFL qui va représenter, si on veut, le conflit. Disons, et là, sans toute... j'ai aucune information derrière ça, mais mettons, on prend un Tom Brady qui, lui, va poursuivre personnellement la NFL, et tous les autres joueurs vont faire comme lui, mais on va se servir du procès Brady, par exemple, pour une jurisprudence au niveau de la loi. Donc, à ce niveau-là, si on en vient là du côté de la NFL et de l'association des joueurs, on commence à être dans le très grave conflit, là, parce qu'on s'en va devant les tribunaux. Ce qui arrive avec la justice américaine, c'est que la NFL est tout seul. Et c'est pas la première fois que la NFL se fait poursuivre au niveau de ce qu'appelle les lois antitrust, c'est-à-dire qu'en ayant un monopole, tu peux pas, t'as pas le droit aux États-Unis. Au Canada, je crois que c'est la même chose, mais c'est moins appliqué un peu. Alors qu'aux États-Unis, en étant plus de droite, les libertés de tout le monde et le droit à la concurrence, c'est des valeurs fondamentales, ce qui est une bonne chose là-dessus, vraiment. Là. Et du côté de des joueurs, on va dissoudre le syndicat, parce que le syndicat, comme tu disais, c'est une entité. Mm-hmm. C'est plus difficile. Chaque joueur va arriver, il va actionner, va amener la NFL en justice en disant « Cette ligue-là m'empêche de faire un salaire et par sa grosseur, m'empêche d'aller jouer ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autre ligue parce que c'est la seule ligue. » Exactement. Et ensuite, ça va s'enchaîner tout et ça. Va être un déchirage de chemises. On va se déchirer les chemises sur la place publique. Ça sera pas beau. C'est un peu en ce sens où je parlais tout à l'heure en introduction que ça va influencer tout ce qui va se faire par la suite dans le sport. Parce que si, et non parce qu'on va s'imaginer là, que Sidney Crosby va poursuivre personnellement la LNH, non, c'est pas à ce niveau-là que je veux en venir. C'est en ce sens où si c'est les proprios qui gagnent, les proprios vont gagner partout ailleurs. Si c'est les joueurs qui gagnent, les joueurs vont gagner partout ailleurs parce qu'il va avoir eu des précédents, parce qu'il va avoir... L'importance du capital médiatique, du capital de sympathie qu'on va aller attirer du côté des médias, soit du côté des joueurs, soit du côté des propriétaires, va pencher dans la balance énormément pour les prochaines ligues. Tu parlais tout à l'heure des gens qui critiquent le fait que les joueurs font des millions. C'est une entreprise de presse magnifique du côté des propriétaires que de faire passer ça sur le dos des joueurs plutôt que sur le dos des propriétaires. Ça fait longtemps que je l'ai dit, moi. Les joueurs, ils signent le contrat, ils se le font pas offrir. Ils se le font offrir. C'est pas eux autres qui le rédigent. Donc, la faute est du côté du propriétaire. Le plus bel exemple, on en a parlé tantôt, Scott Gomez à 7.3, il a pas tiré, il a pas tordu le bras de personne. On lui a offert le contrat. Donc, c'est pas en soi de sa faute. T'sais? C'est ça. Donc, à ce niveau-là, il va falloir que cette mentalité-là au niveau du public change. Puis, se tourne peut-être plus du côté du capital sympathique des joueurs. C'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va faire de l'argent quelque part, de toute façon. Oui, mais ça, on s'en sort pas. Mais il y a un moment donné, et tu le disais très bien en début dans ton introduction, à quel point à un moment donné, là, t'es tanné, tu réalises que t'en fais de l'argent. Là. Ouais. Que tu fasses un milliard de moins, là, quand t'es rendu à compter ton portefeuille en milliards, c'est peut-être parce que t'as peut-être moins besoin d'argent. Je comprends que les investissements, les dépenses, ça se chiffre à des niveaux qu'on connaît pas, là, qu'on peut pas concevoir, toi et moi, avec notre salaire de misère. Mais quand même, à un certain moment donné, arrête, là, parce que c'est justement, c'est la santé de la ligue que tu es en train de miner et ultimement tes propres revenus. Et vraiment, oui, je suis d'accord. Et vraiment, j'ai l'impression, parce que là, on parlait tantôt de la confrontation qu'il va avoir avec les joueurs, que ça peut se répercuter. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on étire les négociations. On est présentement dans un marathon. On veut pas en venir à ça des deux côtés. Mais j'ai l'impression que les différences entre les deux sont immenses parce que regarde, on parlait de deux matchs de plus par saison, deux matchs de pré-saison et deux matchs de saison au niveau des revenus, ça n'a rien à voir là. C'est des millions et des millions de différences. Une autre chose que les propriétaires veulent veulent aller chercher comme concession, c'est un plafond salarial pour les recrues. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Inconcevable que quelqu'un qui est repêché obtiennent un salaire de 10 millions par année avec 48 millions en boni. C'est inconcevable. Jamarcus Russell, qui a été un des plus gros busts, un flop dans la NFL, a touché 50 millions à date. Mais ça, comme tout à l'heure, on parlait des deux matchs de saison supplémentaire versus les deux matchs de pré-saison, les propriétaires vont le garder comme un as dans leur manche pour se servir de ça comme négociation. Donc, en fait, des deux côtés, on a un bon pouvoir de négociation sur le fameux milliard en revenus là, d'équilibration. Donc, à ce niveau-là, moi, je comprends pas pourquoi l'arbitre tranche pas, pourquoi on se donne encore... Ben, c'est pas un arbitre, c'est un médiateur. Ouais, un médiateur, je comprends, mais... C'est pas pareil. Effectivement, il sert absolument à rien. Je pense pas qu'on veut un arbitre non plus. Je pense qu'on veut s'entendre à l'amiable, mais c'est même pas juste de l'eau qu'il va falloir mettre dans le vin. Là. C'est peut-être un peu de vin qu'il va falloir mettre dans l'eau à ce point-là, là, parce que les différences semblent immenses entre les deux. Et du côté des joueurs, je peux tout simplement dire que je comprends leurs revendications. Tout à fait. Surtout pour une ligue où c'est violent comme ça, où les coups à la tête dernièrement, oui, on tente de légiférer contre ça, et ça, c'est dans... Écoute, la nouvelle le disait ce matin, du côté de Bob Probert, on a fait une étude de son cerveau. Probert qui a subi probablement une douzaine de commotions, et on a découvert une maladie dégénérative du cerveau qui a probablement, même si c'est pas ce qui a causé sa mort, l'aurait causé éventuellement. Là, on parle d'une attaque cardiaque, si je me trompe pas. Là. Un va peut-être pas nécessairement sans l'autre non plus. Là, on parle assez souvent d'accidents cérébrovasculaires. La connexion entre le cerveau et le cœur est... T'sais, c'est tout connecté, notre corps, Philippe. Effectivement, c'est aussi bien fait que ça. C'est bien établi. Donc, ça va se décider, j'imagine, probablement dans les 10 prochains jours. On parlait de marathon, j'ai l'impression qu'il va se boire beaucoup de café. Ça va être super intéressant à discuter. Lundi, JP Grenier devrait être avec nous là pour nous en parler encore plus. C'est notre gars de football. Malheureusement, il pouvait pas être avec nous ce matin. Mais je pense pas qu'on pouvait passer à côté de cette nouvelle-là parce que au moins la bonne nouvelle, c'est que la saison est loin. On parle de août environ pour le début des activités. Oui, il va y avoir le repêchage. Ça aussi, ça tombera pas dans le vide. On a quand même le droit d'avoir le repêchage. Mais hey, on parlait, dernière petite nouvelle, à quel point les propriétaires étaient prêts à aller à leur carte. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Quand on a négocié les contrats de télévision avec les diffuseurs, on a dit, payez-nous moins cher par année. Puis si on s'en va à leur carte, l'année de leur carte, on veut que vous nous donniez tant d'argent. Je pense que c'est 4 milliards. Ouais. Donnez-nous 4 milliards C'est souvent ce qui arrive, en fait. C'est que c'est toujours les proprios qui sont mieux préparés que les joueurs. Il n'y a pas 10 000 façons de se préparer de la façon des joueurs. Hein? Exactement, c'est ça. C'est comme un autre conflit où est-ce que les journalistes n'avaient pas 10 000 façons de se préparer. C'est tout à fait ça. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Puis t'espères qu'à un moment donné, la logique revienne dans la tête des patrons, ce qui malheureusement est rarement le cas. Tout dépend, hein. Ou d'un autre côté, il y a des endroits où est-ce que la logique est pas venue de la part des syndicats et l'entreprise a été obligée de fermer. Tu sais, c'est du donnant-donnant, mais je vois mal la NFL fermer dans les prochains jours. C'est ça. Quand l'entreprise est obligée de fermer, c'est parce qu'elle a, elle n'a pas en sa possession des millions et des millions de dollars. Tu sais, dans le cas de Québécois versus les journalistes, Québécois était assis pour rouler pendant 15 ans un lockout. Ouais. C'est la même chose du côté de la NFL. On est très correct. Voilà. On se bat pour des miettes dans une tarte gigantesque, mais c'est une question de principe. Là, on menotte complètement tout le monde, on prend tout le monde en otage pour sa propre poche. Mais exactement. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se laisse en musique avec Les Fatales Picards, la chanson Lady Diana. Et ne ratez pas ensuite du côté de C'est fou, c'est rock classique avec Alain Lefebvre. Bonne fin de semaine, tout le monde. Patriote, McGill, ce soir, 19h30, Colisée Trois-Rivières, soyez-y. De soi, ton sourire en point de croix sur mes serviettes.